Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui est bon. Je voudrais que chacun de nous réalise combien Dieu est bon. La Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Je vais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu te réveilles en bonne santé, tu respires, c'est parce que Dieu est bon. Est-ce que tu réalises là? Combien sont ceux qui sont morts? Peut-être d'autres sont dans les comas. Mais toi, Dieu t'a prêté le souffle de vie. C'est une occasion que Dieu te donne ce matin de te réveiller. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ton voisin. Réveillez-vous, nous allons exprimer notre reconnaissance à Dieu. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, 13 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités dans ce passage. Il y a deux illustrations ou bien deux métaphores qui sont utilisées ici. Première illustration ou métaphore, nous sommes le sel de la terre. Il faudrait que chaque chrétien soit conscient de cela. Tu es le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Regardez quel rôle joue le sel dans l'alimentation. Il y a ceux qui prennent les régimes sans sel, mais parfois c'est difficile. Il y a des gens qui disent, lorsqu'il y a une nourriture sans sel, c'est fade, c'est difficile à avaler. Le sel apporte la saveur. Nous sommes dans une société qui se dégrade de plus en plus, où les gens sont abattus, où les gens sont découragés à cause de la cherté de la vie, à cause des problèmes. Tous les jours, on parle des attentats, on parle des morts, on parle des viols, on parle de l'escroquerie. Alors, le chrétien est celui qui doit apporter la saveur, en d'autres termes, l'espérance, par notre message. Dans ta famille, par exemple, quand on ne parle que de sorcellerie, on ne parle que des morts, tout est cataclysme. Il y a la malédiction. Personne n'évolue dans ta famille. Les gens ne se marient pas. On dirait que les gens sont bloqués. On dirait qu'il y a une malédiction, un sort qu'on a jeté sur ta famille. Mais toi, tu es né dans cette famille. Dieu t'a fait la grâce de connaître Jésus. Tu es le sel. C'est toi qui dois apporter l'espoir dans cette famille pour la faire sortir dans ce cataclysme. Est-ce que tu comprends cela? Nous sommes le sel de la terre. Sur les plans étudiantins, regardez, aujourd'hui on parle de corruption. Le niveau de l'éducation se dégrade au jour le jour. Maintenant, lorsque toi tu es chrétien, tu connais le Seigneur, tu es élève, tu es étudiant, tu es le sel, tu dois apporter la saveur. Il faut qu'on voit la différence entre toi et les autres. Jésus dit au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Une autre chose que le sel fait, c'est quoi? Le sel préserve de la corruption. Le sel est un antiseptique puissant. Il est prouvé même médicalement parlant. C'est ainsi que dans nos sociétés traditionnelles, on utilise le sel pour garder aussi longtemps que possible les poissons, qu'on appelle les poissons salés. Vous voyez, nous sommes dans une société qui est corrompue. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu travailles dans un environnement hostile. Un environnement où les gens ne craignent pas Dieu. Un environnement où les gens escroquent. Un environnement où les gens vivent dans la compromission sexuelle. Où on va te dire, si tu veux qu'on signe ton papier, voilà, il faut entrer dans tel réseau. Il faut te lier. Il faut accepter telle pratique sexuelle qui est prohibée par la Bible. Mais toi, en tant que sel de la terre, il faut que tu préserves ta société de la corruption. Il faut que par ta vie, tu arrives à dire non. Pour qu'on dise, tout le monde est dans ce système-là, mais il y a quelqu'un, sauf. Est-ce que tu comprends? Regardez l'exemple de quelqu'un comme Daniel. Daniel, il était parmi les satrapes. Daniel était parmi ces jeunes gens qui étaient autour, qui travaillaient dans la cour du roi Nebuchadnezzar. On apportait du vin, on apportait la viande, on le mettait à l'aise, comme on dit. Mais Daniel avait le discernement. Daniel et ses amis, ils savaient que ces choses étaient souillées. Et la Bible nous dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par ses mains du roi. Quand on est sel de la terre, on rame à contre-courant. Quand tout le monde va dans le sens du péché, de la compromission, toi, tu te distingues comme Daniel. Mais si tu perds de saveur, c'est-à-dire au lieu de jouer ton rôle, tu deviens inutile. Et c'est ce qui est déplorable aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont inutiles. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a placé là où tu travailles. Pourquoi Dieu t'a placé dans ce pays-là. Je vais parler à quelqu'un. Tu m'écoutes depuis le Canada. Tu m'écoutes depuis les États-Unis. Tu m'écoutes depuis la France. C'est vrai que pour vivre la vie chrétienne dans ce milieu-là, dans ce pays-là, est difficile. Mais toi, tu es le sel de la terre. Dieu a permis que tu aies du papier. Il faut que tu te distingues. Il faut que tu apportes la saveur. Tu dois te considérer comme missionnaire. Alléluia. Deuxième métaphore. Nous sommes. Tu dois te considérer comme missionnaire. Alléluia. Deuxième métaphore. Nous sommes la lumière du monde. La lumière sert à éclairer. Vous voyez, Jésus lui-même est la lumière. Mais maintenant, il nous transmet cette lumière au point où il fait de nous aussi des lumières. Jésus dit au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Tu ne peux pas cacher ton identité de chrétien. On ne peut pas vivre chrétien en secret. Là où tu es, il faut que tu impactes ta société. Comment? C'est d'abord par ton témoignage. Deuxièmement, c'est par la prédication de la parole. En prêchant l'évangile. Tu ne peux pas être caché. Je parle à quelqu'un. Comment est-ce que tu as honte de Christ? Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu ne peux pas être caché. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, il faut qu'on puisse te remarquer. Là où tu pars, partout, on va te remarquer. Parce que tu ne peux pas être caché. Tu es comme une ville qui est située sur une montagne. Tu dois éclairer ceux qui sont autour de toi. Tu dois arriver à partager l'évangile avec tes patrons, avec tes chefs. Même si on dit que le système est difficile, oui, tu dois éclairer ceux qui sont là par la parole. Même si tu n'es pas pasteur, il n'est pas dit que tout le monde doit être pasteur. Mais tu peux témoigner. Jésus a dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Jésus dit au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, Jésus veut montrer qu'on peut éclairer les autres, soit par la parole que nous leur partageons, mais soit aussi par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres commencent d'abord par notre caractère, notre témoignage. Il faut que les gens voient en nous que nous sommes convertis, que nous avons abandonné nos vieilles pratiques. Mais les bonnes œuvres aussi, ce sont les œuvres caritatives. Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens dans nos églises évangéliques, nous négligeons les œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres sont l'évidence ou la manifestation de notre foi en Jésus. Par exemple, donner à manger, secourir ceux qui sont opprimés, venir en aide à ceux qui sont malades, visiter les prisonniers, aider les orphelins et les veuves, soutenir l'œuvre de Dieu par les dons, par les dîmes. Ce sont de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres peuvent servir de tremplin pour l'évangélisation, surtout dans les continents pauvres comme l'Afrique. Lorsque tu vas partager à quelqu'un, tu vas lui donner un sac de riz, il sera beaucoup plus disposé à écouter le message de l'amour de Dieu. Il y a d'autres religions qui l'ont fait. C'est pourquoi ils ont gagné du terrain. Nous devons témoigner aussi par leurs œuvres, que les gens voient l'amour de Dieu. Il faut qu'aujourd'hui, l'Église comprenne l'important des bonnes œuvres, l'important du social. Il faut qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous ayons des maternités, nous ayons des centres de santé, nous ayons des orphelinats. Ce sont aussi des bonnes œuvres. Quand nous les faisons, nous sommes la lumière du monde. Ça va prédisposer les gens à venir à Christ lorsque nous allons leur dire que ce que nous le faisons par amour pour Christ. Venez à Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ce cantique pour l'adorer. Yesu atawale kumaisha yangu atawale atawale Yesu atawale kumaisha yangu atawale atawale Yesu atawale kumaisha yangu atawale atawale Yesu atawale kumaisha yangu atawale wewe bibi na wewe kijana nimwambie Yesu atawale atawale Yesu atawale kumaisha yangu atawale wewe mtoto na wewe bibi nimwambie Yesu atawale atawale Yesu atawale kumaisha yangu atawale atawale Yesu atawale kumaisha yangu atawale atawale Yesu atawale maisha yangu atawale atawale Yesu atawale kumaisha yangu atawale Due Wa milele wa milele Mungu abaraka ni Yesu Wa milele wa milele Mungu abaraka ni Yesu Wa milele wa milele Mungu abaraka ni Yesu Wa milele wa milele Mungu abaraka ni Yesu Wa milele wa milele Mungu abaraka ni Yesu Nakotikate Yesu apona ngabana bomwana Nakotikate Yesu apona ngabana bomwana Nakotikate Yesu alinganga bana bomwana Nakotikate Yesu alinganga bana bomwana Yesu alinganga bana bomwana Alinganga bana bomwana Yesu alinganga bana bomwana Yesu alinganga bana bomwana Yesu apona ngabana bomwana Yesu apona ngabana bomwana Yesu apona ngabana bomwana Yesu apona Banda bomwana wa milele Mungu abaraka ni Yesu eh wa milele Mungu abaraka ni Yesu eh wa milele Mungu abaraka ni Yesu eh wa milele Mungu abaraka ni Yesu eh ah ni Yesu eh ah ni Yesu eh ah ni Yesu eh ah ni Yesu eh Mungu abaraka ni Yesu eh ah ni Yesu eh Mungu abaraka ni Yesu eh Emmanuel Nzambe na Nguya azali awa Emmanuel Nzambe na Nguya azali awa Emmanuel Nzambe na Nguya azali awa Emmanuel Emmanuel, Nzambe na nguya azaliawa. Emmanuel, azaliawa. Emmanuel, azaliawa. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Papa wani o Yeswe. Papa wani o Yeswe. Oh Yeswe. Lele lele lele lele. Lele lele lele lele. Lele lele lele lele. Lele lele lele. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Papa wani o Yeswe. Papa wani o Yeswe. Oh yes, we le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Papa wani oh yes, we Papa wani oh yes, we Oh yes, we le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Lele lele lele, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Papa wani oh Yeswe, oh Yeswe, Ema, Ema azaliawa, Ema, Ema azaliawa. Alléluia. Élevons tous ensemble nos voix pour bénir le Seigneur. Lui, le Dieu qui nous éclaire. Lui qui est notre lumière. Lui qui est notre salut. Lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Bénissons son Saint-Nom. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, toi le Dieu qui nous a tirés de ce monde corrompu afin que nous apportions la saveur. Oh, sois béni, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as accordé. Sois magnifié, toi le Dieu qui nous a choisis, non pas à cause de ce que nous étions, mais à cause de ta grâce, à cause de ta bonté, ta miséricorde. Nous te bénissons et nous t'élevons pour cela. Oh merci Seigneur, toi la lumière du monde qui nous a communiqué ta lumière et qui veut que nous puissions également la communiquer à ce monde perdu. Oui, Seigneur, merci de briller en nous afin que nous puissions éclairer les autres. Utilise-nous encore une fois de plus comme des instruments entre tes mains pour ta seule gloire. Béni sois-tu, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, capable de libérer et capable de te glorifier à travers ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission des prières OSB, Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel selon les Saintes Écritures. Et cette émission est rediffusée sur notre site web à partir de 11 heures temps universel et à 20 heures temps universel. Notre passage du jour, c'est Matthieu 5, 13 à 16. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Que chacun de nous puisse prier pour dire Seigneur. Dans ma famille, il y a beaucoup de choses. Les gens sont découragés. Il n'y a que sorcellerie, il n'y a que misère, il n'y a que jalousie. Tu vas prier pour que Dieu fasse de toi le sel pour encourager cette famille, pour préserver cette famille de la corruption, de tout ce qui se passe. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en ta présence. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue avec l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée est grande, ô Dieu, et c'est un privilège pour nous de proclamer ton nom. Je demande au Père éternel que tu fasses de nous véritablement le sel de la terre, afin que nous puissions être, avec l'aide de ton Esprit Saint, avec ton onction, un agent de transformation, de changement au sein de nos familles. Je demande au Père, dans le nom de Jésus-Christ, que tu fasses en sorte que notre présence, les paroles que nous apportons, l'accompagnement, notre ministère en direction de notre famille, apporte véritablement un changement, une transformation des cœurs. Fais en sorte, ô Père éternel, que lorsque nous ouvrons la bouche, c'est pour déclarer ta bonté, pour déclarer tes merveilles, pour déclarer des paroles qui transforment les vies au nom de ton Fils Jésus-Christ. Fais en sorte, ô Père éternel, que nous soyons le sel dans notre attitude, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous ne faisons pas, dans tout notre comportement, que nous soyons le sel au sein de notre famille. Fais de nous de dignes ambassadeurs pour faire de notre famille des enfants de Dieu, des gens qui ont la crainte de l'Éternel. Merci Père éternel pour ce privilège que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. La lumière est là pour éclairer. Chacun de nous va prier pour que là où il travaille, si tu es étudiant, tu es élève, là où tu étudies, que le Seigneur fasse de toi la lumière, que le Seigneur t'utilise pour éclairer. Même si on parle de corruption, il y a des scandales au niveau de ton entreprise, il y a des scandales même au niveau du marché où les gens se livrent à toutes sortes de pratiques, que toi tu puisses éclairer, que à partir de toi, l'évangile puisse pénétrer dans ces lieux-là. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Toi la gloire ce matin, l'honneur ce matin, l'élévation ce matin, acclamation ce matin à toi seul, le seul et l'unique, le véritable Dieu, maître du monde. Merci parce que tu nous as rachetés par la mort de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ sur la croix et tu as fait de nous un peuple, tes enfants. Tu nous dis à travers ta parole que nous sommes la lumière. Nous devons briller par notre comportement, par notre vie, par notre travail, dans notre foyer, dans notre quartier, dans notre lieu de travail, dans notre usine, dans notre église, partout où nous sommes. Nous devons briller pour que les âmes soient sauvées, des âmes soient réconciliées avec toi, des âmes deviennent des disciples de Jésus-Christ. Seigneur, c'est la mission que tu nous confies. Aide-nous à ne pas penser à notre ego, à ne pas tourner tout sur nous-mêmes. Notre rôle, c'est d'être des hommes de paix, des hommes de réconciliation. Ô Seigneur, c'est le désir que nous voulons prier pour ton peuple, partout où nous sommes, que ta grâce soit sur nous, à être des modèles, à être des exemples, à impacter positivement des hommes de prière, de la parole, ceux qui évangélisent par leur vie et par la parole de Dieu. Béni sois-tu parce que ça va se réaliser au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance des bonnes œuvres. Nous ne devons pas seulement nous limiter à la foi sans œuvres, mais il faut aussi que nous puissions produire des bonnes œuvres. Prions le Seigneur pour qu'il puisse aujourd'hui nous rendre de plus en plus conscients de l'importance des bonnes œuvres. Que lorsque Dieu nous bénit, nous puissions aussi investir dans les œuvres sociales à caractère caritatif pour communiquer les messages de l'amour de Dieu. Prions le Seigneur pour que l'Église se réveille et que nous puissions nous impliquer dans le social au nom de Jésus. Sois béni, sois honoré, sois glorifié, sois magnifié. Ce matin encore, nous venons à toi parce que tu nous as bénis financièrement, tu nous as bénis matériellement, tu nous as donné l'Église, tu nous as donné des hommes et des femmes dans l'Église pour que l'Église que nous sommes, pour que l'Église en tant qu'entité et de façon individuelle, nous puissions participer aux œuvres sociales. Nous puissions participer à l'avancement des œuvres caritatives. Éternel notre Dieu, merci de nous donner cette pensée, cette idée d'aider les autres, d'aider les orphelins, les veuves, d'aider les ONG, d'aider, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont dans le démuni, ceux qui sont dans la faiblesse financière, ceux qui sont dans le manque. Permet que nous puissions, en tant qu'Église, nourrir ces hommes et ces femmes. Nous puissions scolariser ces hommes et ces femmes, favoriser ces hommes et ces femmes à sortir de leur manque. Béni sois-tu, cher Saint-Esprit, parce que tu nous as bénis pour que nous soyons des sources de bénédiction. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, parce que par nos dons, par nos offrandes, Seigneur, nous puissions donner de la joie, du secours. Nous puissions aider quelqu'un dans sa scolarité, aider une veuve, nourrir quelqu'un, héberger les hommes et les femmes qui en ont besoin. Merci de nous susciter. Merci de permettre que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres, les œuvres sociales, les œuvres caritatives. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que c'est ce samedi 9 juillet à partir de 9h que nous aurons notre séminaire à l'école du Seigneur sur le catholicisme. Il y a encore quelques places, si tu n'as pas encore payé, viens payer 5000 francs et tu seras édifié. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.